Deuxième partie, chapitre quatrième de l'introduction à la vie dévote. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet, ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Grégory Kinlen. Introduction à la vie dévote par Saint François de Sales. Deuxième partie, chapitre quatrième de la proposition du mystère. Troisième point de la préparation. Il y a encore un troisième prélude de l'oraison mentale, qui n'est pas commun à toutes les méditations, et qu'on appelle la composition du lieu. Cela consiste dans un certain exercice de l'imagination, par lequel l'on se représente le mystère, ou le fait que l'on veut méditer, comme si les choses se passaient réellement à nos yeux. Par exemple, si vous voulez méditer la mort de Jésus crucifié sur le calvaire, vous vous formerez une idée de toutes ces circonstances, telles que les évangiles nous les ont marquées par rapport aux lieux, aux personnes, aux actions et aux paroles. Et je vous dis la même chose de tous les autres sujets qui tombent sous le sens, comme la mort et l'enfer, ainsi que vous l'avez vu. Mais cette pratique ne convient pas aux autres méditations dont les sujets n'ont rien de sensible, tels que sont la grandeur de Dieu, l'excellence des vertus, la fin de notre création. Il est vrai que l'on pourrait bien y employer quelques similitudes ou comparaisons, comme nous le voyons dans les belles paroles du Fils de Dieu, mais cela n'est pas sans difficulté, et je ne veux traiter avec vous que fort simplement, et sans fatiguer votre esprit de la recherche de semblables idées. Or, l'utilité de cet exercice de l'imagination est que nous renfermions notre esprit dans l'étendue du sujet que nous méditons, de peur qu'étant aussi volage qu'il l'est, il ne nous échappe pour se répandre sur d'autres sujets. Et, je vous le dirai tout simplement, c'est lui faire ce que l'on fait à un oiseau que l'on renferme dans une cage ou à un épervier que l'on attache à ses longes afin qu'il demeure sur le point. Quelques-uns vous diront qu'il vaut mieux, dans la représentation des mystères, user de la simple pensée de la foi et de la simple vue de l'esprit, ou bien les considérer comme s'ils se passaient dans votre esprit. Mais cela est trop subtil pour un commençant. Et à l'égard de tout ce qui est d'une plus grande perfection, je vous conseille, filoté, de vous tenir au pied de la montagne avec beaucoup d'humilité, jusqu'à ce que Dieu vous élève plus haut. Fin du chapitre quatrième. Deuxième partie.